OK, on y va avec la période de questions. Le temps de regarder les questions, je fais un petit peu la semaine passée. Daniel, tu pourrais-tu nous parler avant peut-être un petit peu de... on a vu que dans l'enseignement sur la Terre, il y a toujours eu l'amour. Merci. L'amour, l'intelligence, la volonté qui était le triangle, OK? Tu as eu certains instructeurs qui ont peut-être fait... Comme le Nazarien, d'après moi, c'était plus l'amour qui était la partie, la polarité qui ressortait dans sa personnalité. D'autres, c'est la volonté. Est-ce qu'à un moment donné, dans l'instructeur, les trois vont être intégrés ou il va y avoir un instructeur pour chacune de ces dominantes-là? Bon, présentement, ou vers l'air où ce qu'on s'en va, tu vas avoir un instructeur, bien, plus qu'un instructeur, qui vont relier les trois. Présentement, disons que l'air, disons, ce qui est le plus connu, c'est l'amour par l'intermédiaire du Christ. Mais c'est pas vrai. C'est l'amour psychologique qui est connu. On n'a rien compris à ce qu'était l'amour. La volonté, l'homme ne sait pas ce que c'est, puis il n'est pas encore prêt à le savoir. La volonté, j'ai déjà dit que c'était l'expression d'une énergie. C'était juste ça, la volonté. Si tu as de la volonté pour tuer, tu exprimes une énergie. Si tu as de la volonté pour travailler, tu exprimes une énergie. Si tu as de la volonté pour penser, tu exprimes une énergie. Il n'y a rien d'autre que ça. La volonté, c'est simplement le phénomène d'exprimer une énergie. Si tu exprimes une énergie astrale, c'est de la volonté. Si tu exprimes une énergie mentale, c'est de la volonté. Une énergie physique. Il y en a qui sont trop larges pour se lever pour faire l'amour. Il y en a d'autres, ah, lui, il a de la volonté. Il fait l'amour à tous ceux qu'il rencontre. Ben, il exprime une énergie, l'énergie physique. C'est quoi avoir de la volonté? C'est simplement d'exprimer. Maintenant, tu as deux manières d'exprimer la volonté. Alors, disons que présentement, la volonté, l'homme ne sait pas ce que c'est. L'amour, on a déjà pas mal parlé là-dessus, mais l'amour que l'homme connaît, c'est un amour qui est psychologique, c'est pas un amour réel. C'est un amour qui, réellement, va donner comme effet soit ce que l'amour véritable devrait opérer, soit totalement l'inverse. Hein? Parce que pour aimer, tu peux perdre bien du monde. L'amour, c'est une loi d'attraction. Alors, tu devrais attirer n'importe quoi et tout. Mais toi, ton amour, tu veux refuser du monde, puis ton amour, tu en fais fuir aussi. Alors, ce qui fait que l'amour, l'homme ne connaît pas ça non plus. Le Nazaréen a été, disons, l'expression du deuxième niveau d'évolution ou le deuxième niveau, disons, de conscience extraplanétaire sur la planète Terre, qui était l'amour. Bon, c'est vrai. Mais l'homme n'a jamais compris c'était quoi pareil. Vois-tu, t'as trois plans extraplanétaires. T'as le plan qui va être celui de l'intelligence. Le Nazaréen l'a pas exprimé, mais il a travaillé avec. Hein? T'as même eu le Saint-Esprit qui est venu sur la tête de ses disciples, alors ce qui fait que c'était d'ailleurs un apport d'intelligence supramentale. Tu vas avoir l'amour et tu vas avoir la volonté. La volonté, c'est l'expression totale de toutes les énergies. La volonté, comme le parlait le Nazaréen. La volonté de son père. Lui faisait la volonté de son père jusqu'à temps qu'il devienne lui-même la volonté. Hein? Je suis. Bon. Cette volonté-là, c'est la volonté du plan divin. En dessous de ça, tu as la volonté du plan bouddhique qui va être l'expression d'une énergie d'attraction incommensurable, incalculable, qui est même pas envisageable par l'être humain sur la planète Terre, et c'est l'énergie de l'amour. Mais l'amour réel, pas l'amour psychologique, qui fait que tu attires ce que ça te tente, puis que tu repulses ce que ça te tente pas. Bon. En bas de ça, tu vas avoir l'énergie supramentale qui va être l'intelligence, le Saint-Esprit. La première chose qui est arrivée sur les disciples, c'était pas l'amour. Ça a été l'intelligence. Une fois intelligents, ils ont pu avoir accès à l'amour. L'histoire n'en parle pas là-dedans, dans la Bible. Bon. Mais l'homme, c'est ce qu'on a enseigné. On a parlé de volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, lève-toi puis fais le don. Mais fais le don quoi? Ce que je t'ordonne ou ben non le désir que tu as? Mais si le désir que tu as, c'est un désir, donc ça vient de l'astral, le fait de le faire, c'est d'exprimer la volonté du Père du ciel. Donc, d'exprimer la volonté du Père astral. Mais pas d'exprimer la volonté dans le sens réel du terme. C'est pas ça. La volonté astrale s'exprime continuellement. Que tu broyes ou que ben non, que tu ris, t'exprimes la volonté du Père astral. Que tu travailles ou que tu flânes, que tu fasses rien, t'exprimes encore la volonté du Père astral. Bon, exprimer la volonté du mental, c'est quelque chose. Certains le font. On est de plus en plus porté à le faire. Mais encore là, on ne sait pas c'est quoi la volonté. Tu devrais avoir plus de volonté. Bon, on va aller chercher chez Stamberg. C'est quoi avoir plus de volonté? Tu devrais faire plus que ça te tente. Donc, exprime l'idée que tu as. Ça, c'est la volonté. L'amour, c'est quoi l'amour? Ben, l'amour non plus, l'homme ne connaît pas c'est quoi l'amour. Hein? On ne s'entretue pas pour l'amour véritable. Et puis, si tu regardes l'intelligence, ben l'intelligence, c'est la seule chose qu'on peut commencer à connaître. Fait qu'au lieu de parler, disons, d'amour réellement, on peut en parler de l'amour. On peut passer une soirée à en parler de l'amour. Vous n'allez rien faire avec ça. Vous ne pouvez pas rien faire avec ça, c'est pas vivable pour l'homme. Il faut que ce soit compris. Pour être compris, il faut que l'homme soit intelligent. Alors, parlons donc d'intelligence à la place. Hein, ça va être plus pratique, plus commode. L'amour, c'est une chose qui a été, disons, exprimée d'une façon plus ou moins parfaite, mais d'une façon extraordinaire par l'entité astrale. Les forces sataniques, les forces noires, sont des forces astrales. Alors, automatiquement, on a vanté l'amour tout partout. Aime ton prochain comme toi-même. C'est une belle phrase, mais qui c'est qui l'a employé? Tu sais, il y a même des fois que tu t'aimes pas à face. Fait que, imagine-toi, partir avec une chose comme ça, ça a donné ce que ça a donné. L'amour, c'est pas ça pantoute. Alors, on ne connaît rien de l'amour, mais vous ne pouvez rien connaître de l'amour. L'amour véritable. On peut l'intellectualiser un petit peu, mais de là, elle descend dans la matière. Autrement dit, à l'appliquer, ben non, c'est pas faisable. La volonté, non plus. La volonté, on peut en parler. On peut en parler quand des individus sont prêts à en entendre parler. Quand ils sont capables de bien comprendre, de discerner entre la volonté psychologique, la volonté d'eux-mêmes, et la volonté extraterrestre, extraterrestre en ce sens que c'est une volonté qui pourrait lier la planète Terre, donc la volonté du plan supramental, du plan bouddhique ou du plan divin. Donc, la volonté du plan intelligent supramental, la volonté du plan amour ou aimant, hein, attirant, ou la volonté du plan volontaire, qui est la volonté à son summum. En haut de ça, on n'a plus de temps et on n'a plus d'espace. Ben, c'est ce que les Nazaréens ont réussi de façon à fusionner. Alors, au lieu de parler d'amour et tout ça, on serait bien mieux de parler d'intelligence. L'intelligence, c'est votre faculté que vous allez avoir de plus en plus à recevoir des énergies. La communication se fait qu'au niveau de l'énergie. À recevoir des énergies et à ne pas les analyser. À les laisser rentrer en vous et à les laisser là. Si elles veulent sortir, elles vont sortir. Vous savez pas c'est quoi l'amour, aimez-les pas, ces énergies-là. Autrement dit, essayez pas de les conserver. Parce qu'une énergie, c'est une longueur d'onde. La longueur d'onde, elle doit se propager. Si elle se propage pas, elle va décroissante de murs, ben, non seulement elle diminue de vitesse, à la longue, donc elle se densifie, hein. Ce qui fait que tout ce qui est intelligent en vous finit par devenir, par être digéré par votre plan astral, donc par servir à votre manipulation. Plus vous allez vouloir apprendre pour vous conscientiser, plus vous risquez d'être manipulé. Ça, on l'a vu souvent. Hein? On en a vu du monde qui ont fait des séminaires. On en a vu du monde qui ont eu des flashs extra-terribles. Bon, on a vu du monde qui ont eu plein de choses, puis qui ont capoté complètement. Parce que plus tu apprends, t'as pas le choix, faut que t'apprennes. T'es tellement perdu qu'il faut que t'apprennes maintenant. C'est plus juste vibratoire, faut que t'apprennes. Pour briser, pour aller avoir, pour que tu puisses te créer des chocs dans tes concepts, alors tu finis par plus rien comprendre. Quand tu comprends plus rien, puis que tu réussis à pas te suicider, puis à rester en vie, hein, puis à pas tout perdre ce que t'as, ben là, t'es sauvable. Tu deviens un élu. T'es un gars ou une fille complètement perdue, mais t'approches de l'état, disons, d'électorat. Tu peux être élu. Pourquoi? Tu comprends plus rien. Tous tes fichus concepts, ton cœur épais, hein, ben, il sert plus à rien. Plus rien qui fonctionne dedans ta mémoire. Tu comprends plus. Tout est perturbé. T'es en colère contre ta religion, t'es en colère contre ton prof, t'es en colère contre toi-même, t'es en colère contre n'importe qui. Quand c'est une colère qui est générée par le fait qu'on ne comprend plus rien, c'est purificateur. Mais c'est une colère qui est gérée par le fait que ce que je veux exprimer, pas exprimer, c'est une colère psychologique. Elle sert à rien, elle. Bon, alors faut bien comprendre que l'intelligence, ben, on commence à l'avoir, c'est énergétique, alors comprenez rien, parfait. C'est pas nécessaire de comprendre pour arriver un jour à comprendre. Bon, mais le fait d'aimer ou le fait de parler de volonté, la volonté, oui, mais pas tout de suite. Et puis le fait d'aimer, pas encore. Cela m'est loin de comprendre l'amour. Très loin de comprendre l'amour. On peut pas comprendre l'amour. OK, Daniel, on a une question ici sur la partie noire. Peut-être qu'on n'a pas parlé dans la première partie, là. Tu as parlé de force noire. Est-ce que Yahvé, Dieu, est aussi une force noire? Bon, on a les forces yahviques et les forces sataniques. Toute force yahvique, un jour, devient satanique. Et toute force satanique, un jour, en même temps, immédiatement, va devenir yahvique. Alors, ce qui fait qu'on a une descente aux enfers régulière, tu as parlé des forces noires. Les forces noires, c'est quoi? Les forces noires, c'est tout ce qui, présentement, gère la planète Terre. On a déjà pensé que la planète Terre était dirigée par des intelligences. Alors, on parlait de gouvernement invisible. Toutes les intelligences qui dirigent la planète Terre ne sont que des réactions. Hein? C'est une intelligence artificielle, c'est pas une vraie intelligence. Bon. Alors, si tu regardes les forces sataniques, les forces noires, Satan, c'est qui? Lucifer, c'est qui? Ça a l'air bien bizarre d'en parler, mais à un moment donné, ben, il est temps qu'on commence à en parler, justement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de maladies qui vous habitent, qui sont des démons. Hein? C'est drôle d'entendre ça d'une personne qui parle supramentale, mais c'est ça. Bon. Les forces noires, ce sont des forces qui, premièrement, n'ont pas d'emprise sur les individus qui ont suffisamment de potentiel vibratoire énergétique, soit astral, haut, ou soit supramental, pas mental. Le mental ne peut rien faire contre une force noire. On va définir c'est quoi une force noire. Le supramental, lui, il n'a rien à faire, il règle son cas direct aux forces noires. Et le haut astral, lui aussi, peut lutter contre les forces noires. Les forces noires, c'est quoi? C'est pas le mal dans le sens qu'on l'entend, que tu as battu ton voisin ou que tu as, je sais pas moi, dit des insultes ou ben non, t'as compté des mantras au prêtre parce qu'il te forçait à avoir des péchés. Bon, peut-être qu'on faisait. OK, c'est pas ça le mal. Le mal, c'est pas ça. Les péchés, c'est pas le mal. Le seul péché qui existe réellement, c'est quand toi, tu te culpabilises parce que tu as commis un acte qui allait à l'encontre de ton concept ou du concept imposé par ta société, ta famille, ta religion, ta doctrine. Ça, ça devient un péché. T'as les péchés qui sont mortels, hein, qu'une fois que tu les as accomplis, c'est capoute. T'as les péchés que tu en peux te faire pardonner. Alors, soit dit en passant, le péché se commet par l'homme et ne peut être remis que par l'homme. Puis pas un homme qui parle au nom de Dieu. Parce que si Pierre, ou si le pape, est le représentant de Dieu sur la terre, ben c'est pas tous les prêtres qui sont des pierres. Frère maudit Kenyon de Roche, bon. En tout cas, ce qui arrive, c'est qu'on ne bâtit pas des chemins par aller au ciel avec des roches, c'est ça, hein? Bon. OK. Alors, maintenant, revenons. J'allais dire des choses que je voulais pas, fait que dans ce temps-là, on change de contexte. Alors, ces personnages-là ne peuvent remettre les péchés de l'être humain parce que ce sont des hommes. Pourquoi que l'homme peut remettre? Tu commets un acte, tu viens me voir, je te pardonne. Tu te sens bien, tu te sens plus coupable, puis tu t'en vas. Alors là était l'intelligence des confessions. Que tu arrêtes de te sentir coupable. Mais pour manipuler, on a mis des péchés. Le mal, ça n'a aucun rapport avec les péchés. Le mal, c'est simplement tout ce qui a comme fonction de retenir les individus qui sont en évolution au niveau du mal. C'est-à-dire, on a plusieurs niveaux de mal sur la planète Terre. Si présentement, vous avez l'Église catholique qui est extraordinairement bien, ben le jour où elle va vous empêcher de continuer, elle est satanique. Et satanique, non pas seulement de par notre psychologie ou parce que, par relativement parlant, on décide qu'elle est satanique. Non, elle devient noire. Et l'Église catholique romaine, elle est noire. Noire, mais noire. Je veux dire, il n'y a pas grand ciel là, qui sont aussi noirs que l'Église catholique romaine. Bon. Vous voulez aller à un endroit où il y a des forces maléfiques à Montréal. Ben, vous donnez un endroit où il y en a. Les individus sensibles n'ont qu'à y aller et n'ont qu'à se mettre en état d'observation, c'est-à-dire percevoir. Vous allez découvrir c'est quoi le mal. Puis de toute façon, un jour, tout le monde va devoir passer par la rencontre du mal. Vous n'aurez pas le choix. Parce que sinon, vous ne le connaîtrez pas. Puis le mal, ça existe. Tout ce qui est énergétiquement inférieur à vous est mal. Maintenant, il y a du mal qui est mal, puis du mal qui est plus mal. C'est-à-dire que plus que c'est dense, plus ça peut être mauvais pour un individu. Alors, il y a une technique, fuir le mal, hein, ne nous soumettez pas à la tentation. Ben, tu demandais ça au Dieu dans le ciel de ne pas se soumettre à la tentation quand c'est l'astral pur qui te soumettait continuellement. Bon, enfin. Bon. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que l'endroit à Montréal, si vous voulez aller voir un endroit qui est satanique, et qui n'est pas luciférien, mais qui est réellement satanique, hein, c'est l'oratoire Saint-Joseph. Alors, vous avez rien qu'à mettre les pieds dans l'oratoire Saint-Joseph, et vous allez trouver un endroit hyper satanique. Pourquoi? Parce que cet endroit-là a été construit dans un but, hein. On s'en est approprié, et on l'a grossi, puis on l'a fait suffisamment puissant pour canaliser tout ce qu'il y a de mal dans les phénomènes de la chrétienté dans la région de Montréal, et même dans la région de la province de Québec, pour que toutes les églises et les prêtres soient protégés, pour que tout ce qui est lancé contre eux autres soit absorbé par l'oratoire Saint-Joseph. C'est le même rôle que joue l'île de Pâques par rapport au Shambhala à l'autre côté. Parce que l'île de Pâques passe par le centre de la Terre, alors s'en va directement à un antipode qui va être dans l'Himalaya au Tibet. Et ça protège tous les sorts, tout ce qui est émis sur la planète Terre comme forme pensée maléfique, dirigée vers quelqu'un et qui ne l'atteint pas, soit par suite du décès de l'individu, soit parce que l'individu a augmenté son taux vibratoire, ça se promène partout sur la Terre. Et ça, ça crée le mal. Ça crée aussi Satan. Et ce mal-là, ben, à un moment donné, vous êtes fatigué. À un moment donné, vous êtes perturbé. À un moment donné, vous êtes perdu. Perdu parce que vous ne comprenez plus rien. Ben, si vous approchez d'un état vibratoire similaire à quelque chose dans le genre qui a été lancé, faites-moi, croyez-moi qu'il y en a plein, ben, vous risquez de capter cette forme pensée-là, donc de finir par bénéficier du mal émis sur quelqu'un d'autre. Le mal, c'est une vibration, comme toutes les vibrations d'ailleurs. Alors, il ne détecte pas le nom. Tu es similaire en vibration, rentre sur toi, puis c'est tout. Alors, l'île de Pâques sert de ça. Ici, l'oratoire sert à ça. L'Église catholique romaine a pris comme symbole une personne qui souffrait. Personne crucifiée. Pas une personne réincarnée. Pas une personne ressuscitée. Une personne mourante. À l'oratoire Saint-Joseph, on peut admirer le cœur. C'est pas du frère André. Ses intestins, je sais pas ce qu'ils ont mis, mais le cœur est là, en tout cas. Ses robes, son lit. On a tout ce qu'il faut pour réellement pitoyer encore une fois. Hein? Puis c'est réellement un endroit satanique. Alors, sur l'oratoire, on n'en parlera pas trop. Vous avez rien qu'à aller faire un tour là. Par contre, sur les forces du mal, le Nazaréen, de temps en temps, opérait des guérisons en chassant des démons. Ce démon-là, c'est quoi un démon? Un démon, c'est un égrégore. C'est une forme de pensée qui devient suffisamment dense et qui peut être intégrée à ta vibration. Donc, tu deviens possédé. Mais possédé, ça ne veut pas simplement dire de virer la tête 360 degrés, hein, puis de devenir vert. C'est pas juste ça, possédé. Tout le monde ici, on est toujours un peu possédé par différentes entités négatives. Bon, ce mal-là, un jour, l'homme devra l'affronter pour pouvoir l'éliminer. L'éliminer, c'est-à-dire le repousser à l'extérieur de lui en lui montrant que c'est lui le maître. Le mal ne peut sévir que dans votre psychologie astrale. Donc, le mal ne peut sévir que dans l'homme. Un objet ne peut pas être maléfique. Vous pouvez le voir maléfique parce qu'en vous, déjà, il y a l'essence du mal. Mais le mal, ce n'est pas de faire le mal. Puis ça, il faut bien voir la différence parce que vous allez continuer à chasser des poux dans un endroit où il n'y en a pas. Bon, le mal, ce n'est pas faire le mal. Le mal, c'est une énergie. Alors, l'énergie qui est commune. On a, par exemple, moi, je donne des conférences, moi, je donne des cours, je fais des séminaires, puis je fais d'autres choses. La journée où un individu vient me voir, et puis qui n'est pas capable de se passer de moi, bien ça, je l'ai déjà dit souvent, il risque de manger une bonne taloche, puis il risque de s'organiser pour m'haïr au coton. Cet individu-là, bien pour lui, je suis devenu maléfique. Parce que je l'empêche de progresser. Mais moi, je ne deviendrai pas maléfique. Parce que moi, je vais m'organiser pour ne pas l'empêcher de progresser. Puis contre son gré, s'il le faut, c'est ça l'intelligence. Puis comme tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas de démocratie. Public ou pas, je m'en fous. Il n'y a pas de démocratie. Il n'est pas question que je plaise à mon public. J'ai pas de public. Alors ça, je ne peux pas devenir maléfique. Les grands maîtres, on pose une question, on va répondre. Les grands maîtres qui ont obligé certains individus à écrire des livres qui se vendent sous couverture bleue, entre autres. Bon. Fait que checker les livres sous couverture bleue, les collections de couverture bleue. Ceux-là ont été écrits par des maîtres qui sont stagnants, qui ne peuvent rien faire. Les connaissances à l'intérieur sont hautes, mais ces connaissances-là sont suffisamment hautes pour que vous ne puissiez rien faire avec. La seule manière pour de quelle manière ça pourrait vous être utile, c'est si elle vous serait communiquée verbalement par le maître en question. Parce que vous comprendriez pas plus, mais vous auriez l'énergie sous-jacente à la forme orale de la connaissance. Bon, alors moi, il y a des choses que je dis, je me fous qu'on me comprenne ou non. Mais l'important, c'est qu'il y a une forme vibratoire. Alors ça devient satanique. Ça devient maléfique. Tout ce qui s'est passé dans le passé est mort. C'est pas vivant. C'est vivant dans nos mémoires, mais c'est pas vivant dans la réalité. Toutes les traditions sont maléfiques. Elles ont été... elles ne le sont plus. Alors, si elles ont été bonnes, elles ne le sont plus bonnes. C'est le mal. C'est le mal. Le mal peut s'incarner, donc prendre corps. Oui, ça va se faire. Ça se fait de temps en temps par des individus qui vont rentrer au Parlement pour assassiner du monde. C'est juste des avant-gardes de l'expression du mal par un paquet de systèmes sociaux qui sont instaurés. Bon, il y a des pays qui en sont manipulés par les forces du mal. Ce mal-là, il est... non, pas terrible. Faut pas en avoir peur. En avoir peur, c'est l'attirer. Le mal a peur. Et ayant peur, il veut se répandre sur à l'échelle de la planète. Bon, alors vous regardez simplement les systèmes sociaux qui veulent se répandre, c'est des systèmes sociaux maléfiques. Bon, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie, tout ce qui est yavik devient satanique. Et c'est normal. Et un jour, il ne restera qu'une chose yavik, bonne, pour l'homme, et qui ne deviendra pas satanique. C'est l'homme. C'est la seule chose. Mais pas l'homme astral, pas l'homme psychologique, l'homme total, l'homme complet. Lui pourra devenir yavik et rester yavik. L'homme est déjà blanc. L'homme est coloré. L'homme est teinté. Alors l'homme, en expurgeant son corps, donc en se vidant, de quelle manière la vie va le faire, la souffrance va l'engendrer et différentes choses, va finir par arriver à se subtiliser. Donc il va finir par devenir ce qu'il est. Devenant ce qu'il est, il va radier, il va émettre, hein, il ne fera pas juste réfléchir les paroles du Christ, il va être capable de les radier, ça va venir de lui-même, c'est bien différent. Les prêtres réfléchissent des choses, hein, comme les miroirs. La majorité des conférenciers réfléchissent des choses. Il y en a d'autres, par contre, qui parlent parce que l'énergie passe à travers eux. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que l'homme va pouvoir faire ça et automatiquement, tout ce qui a été expurgé, tout ce qui est maléfique, va être augmenté en vibration pour redevenir yavik. Alors, il faut bien saisir que tout ce qui est bon cache en lui l'essence même du mauvais. Puis c'est votre attachement à ce qui est bon qui va le rendre mauvais. C'est plus bon, on le laisse tomber, on l'oublie, on détruit pas le mauvais. Parce que ce qui est mauvais pour vous, et même satanique pour vous, peut être très bon pour un autre. C'est plus rien à faire avec le mauvais. La religion vous a amené ici, parfait. La religion, c'est une chose absolument comme vous voudrez. Ceux qui sont encore là-dedans, parfait, laissez-le là. Daniel, tu pourrais-tu parler de la différence entre le fait d'être ici présent, comme on est à soir, puis le fait d'écouter une cassette? L'énergie, de quelle façon qu'elle travaille chez un individu? D'une façon puis de l'autre? Bon, vu que c'est oral sur une cassette, l'énergie travaille. Mais l'énergie, elle opère beaucoup plus subtilement en présence de l'orateur que sur une cassette. Sur une cassette, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais jamais autant. Ici, c'est que tu ne peux même pas interpréter. Sur une cassette, tu peux interpréter. Ici, tu as le choix à t'en aller ou rester. Sur la cassette, tu as bien des choix quand tu écoutes une cassette. Alors, ce qui fait que, disons que j'ai accepté qu'on enregistre puis qu'on diffuse les cassettes, parce qu'il y a un opérateur, disons, un fait qui est réel au niveau de l'énergie sur la cassette, hein, plutôt aussi une information orale, mais surtout au niveau énergétique. Écrit, ça serait différent. Il faudrait que je l'écrive de façon à ce que ça suscite des bouleversements dans l'astral de l'individu. C'est la seule manière que ça peut faire. Si tu as quelque chose d'écrit, faut que ça te bouleverse. Autrement dit, faut que ça te rentre dans les tripes, comme on dit. Faut que ce soit typiquement astral. Je peux pas écrire un livre supramental. C'est pas le temps de publier ça présentement. Le monde, ils vont lire. Le monde, ils vont l'intellectualiser. On va en faire une philosophie ou n'importe quoi. Puis tout le monde qui va prendre connaissance de ça, c'est du monde qui va être perdu. Parce qu'ils vont tellement avoir de connaissances que leur astral va pouvoir se servir qu'on pourra même plus leur parler. Ça va être le genre d'individu que tout à l'heure on a parlé, justement. Alors, ce qui fait que sur cassette, c'est bon. C'est pas extraordinaire, c'est bon. OK. Une petite question aussi qui est plutôt drôle. Tu vas parler de M. Trudeau. Pourrais-tu parler de M. Lévesque? Bon, ben, les M. Lévesque ont aussi son rôle à jouer, mais j'en parle pas parce que c'est un rôle, disons, qui est différent, énormément différent de M. Trudeau. Disons que Pierre Elliott a un rôle formidable, fantastique, grandiose, extraordinaire à jouer au nom du Canada, donc du Québec. Et puis, René Lévesque, c'est différent. OK, lorsque ça revient sur la partie noire un petit peu, lorsque je suis seul, je me sens observé, il me semble percevoir une forme, mais lorsque je regarde de face, je ne vois rien. La vibration de ses présences sont constantes. Peux-tu définir un peu ceci? Oui. Bon, alors ces présences maléfiques-là, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une hypersensibilité de l'individu qui se conscientise ou qui tout d'un coup arrive à être en affinité avec une forme d'énergie particulière de l'astral. Mal, non. Non, j'ai déjà vu des fantômes, j'ai déjà vu des gros monstres, j'ai déjà vu bien des affaires, je me suis déjà fait écraser par un train sur une plage au Guatemala. Et puis, c'est des phénomènes énergétiques qui sont maléfiques, qui essaient simplement de venir nous perturber, de nous empêcher de progresser. Non. Il y a bien des choses à faire avec ça. Premièrement, on peut leur parler. Hein? La seule chose qui est importante, c'est qu'à l'intérieur de nous, il n'y ait pas trace de ces choses-là. S'il y en a trace, ben, automatiquement, on va finir par y croire. Je ne demande pas d'y croire, c'est vrai. Mais il y a une différence entre constater quelque chose, finir par croire. Si vous commencez à croire qu'effectivement, il y a quelque chose de bizarre, ben, vous allez le rendre encore plus bizarre. Parce que la croyance, c'est la non-compréhension d'un fait. La constatation aveugle d'un fait. Alors, on veut s'ouvrir les yeux. On ne cherche pas à voir ce que c'est, on essaie de se l'expliquer ce que c'est. On n'arrive pas à voir dans ce sens-là. On voit rien ce que ça nous tente. Il faut les croire. Alors, qu'est-ce que c'est, rien? Vous pouvez leur parler. Hein? Vous allumez pas de bâton d'encens. Vous pouvez crier après. Vous pouvez lui demander de s'en aller. Vous pouvez lui dire bien des choses. On en a déjà un petit peu parlé. Disons que l'exorciste, c'est ça. Mais à un moment donné, chaque individu ici, vous allez devoir devenir exorciste. On a une personne qui est venue un jour ici au Canada, au Québec entre autres, et qui a lancé publiquement que toutes les fichues prêtres qu'on avait dans la province de Québec étaient du monde qui avait peur des forces noires, qui avait peur de Satan, et qui se refusait aux exorcistes. C'est pas tout à fait vrai. La moitié des prêtres ne croient pas à Satan. Et l'autre moitié en ont peur. Ceux qui ne croient pas peuvent être autant manipulés que ceux qui en ont peur. Lui a dit qu'un prêtre se devait d'être exorciste. C'est vrai. Mais chaque individu aussi, vous devez de devenir exorciste. Pourquoi? Parce que les forces sataniques, les forces noires, c'est pas des forces dangereuses. C'est pas parce qu'un truc arrive avec une queue fourchue, ben non, je sais pas quel genre de phénomène, qui est dangereux. Nous, on le catalogue comme étant dangereux. Bon. Ces forces noires-là prennent naissance en vous. Vous les attirez à vous et vous vivez avec. C'est donc à vous de vous arranger pour transformer ce qui est en vous en énergie supérieure pour automatiquement éclairer l'extérieur. Alors, quand on a des présences comme ça, puis là, écoutez-moi bien, les forces sataniques là, sont différents plans. Vous avez connaissance d'une entité qui vous entoure. Vous pouvez aussi avoir l'impression que le plafond de votre chambre va vous tomber dessus et va vous écraser. C'est la même présence satanique. Puis ça, c'est relié de plus en plus à ceux qui se conscientisent. Parce que c'est évident que plus vous allez vous conscientiser, plus il y a d'informations qui vont être données à l'astral, donc plus l'astral va avoir de moyens pour vous récupérer. Le plafond qui s'écrase. Votre volant d'auto, vous avez l'impression qu'à un moment donné, il n'y aura plus rien. Un char qui va vous apparaître directement devant vous puis qui vous fonce dessus. Pas pire, jusque-là, vous êtes fou, mais ça va. Mais quand vous allez voir le char vous foncer dessus, quand vous allez voir le plafond descendre, bien, c'est des possessions. Et des possessions normales qui vont de plus être vécues, de plus en plus être vécues par les individus. C'est pas grave, c'est pas dangereux, sauf si vous avez peur. Sauf si vous commencez à croire qu'il y a des choses comme ça. Alors, quand le plafond vous tombe dessus, faut vous discerner s'il y a un tremblement de terre en cours, évidemment, ou encore si c'est simplement un effet de votre imagination. L'imagination, c'est quoi? C'est votre astral mémoriel. Et la possession ne se fait que dedans votre imagination. Mais ça peut vous envoyer dans le champ, ça, par exemple, quand vous voyez un auto vous foncer dessus. Puis vous pouvez en mourir. Ça peut aussi vous faire sortir de votre chambre en criant. On a vu plusieurs cas de possession comme ça qui sont nourris aux antipsychotiques d'un centre psychiatrique. Bon. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que vous allez même peut-être un jour avoir des phénomènes de télékinésie autour de vous, des objets qui se promènent. Ben oui, puis après, ça a le droit de se promener. C'est pas à cause qu'on a inventé certaines lois qu'il faut qu'on leur interdise. Les phénomènes de possession, les phénomènes maléfiques, alors, comme on a ici, ou en allant de pire en pire, hein, les phénomènes hallucinogènes ou typiques, exactement comme l'héroïne, ou comme différentes autres drogues, mais c'est des phénomènes que vous devez exorciser vous-même. Venez pas me voir pour ça, parce qu'il n'y a rien à faire. Vous n'êtes pas suffisamment mal pris pour que moi j'aille intervenir. Deuxièmement, c'est pas mon travail. Puis troisièmement, quand vous allez être suffisamment mal pris, mais vous allez être trop mal pris. Alors, vous devez le faire vous-même. Vous devez premièrement parler honnêtement, sérieusement. Quand je parle, j'émets des vibrations. Alors, si vous parlez de la même façon à n'importe quel genre d'entité ou à vous-même, il y a bien des choses qui vont se passer. Les phénomènes d'exorcisme que vous allez devoir de façon périr de plus en plus, il y en a de tous les genres, mais ça, c'est des phénomènes qui sont de plus en plus fréquents. Hein? Vous n'en parlez peut-être pas entre vous. Certains viennent m'en parler à moi, par contre. Hein? Alors, c'est des phénomènes de plus en plus fréquents et qui vont l'être de plus en plus. Comme ceux qui ont monté sur certaines montagnes toutes les années, qui disent, ça arrive là pour fuir la fin du monde. Bon, ben c'est des phénomènes sataniques qui sont possédés. Vous pouvez tuer quelqu'un parce que vous êtes possédé, mais vous pouvez aussi être convaincu que l'autre va vous tuer. Puis si vous êtes quelqu'un qui voulait vous défendre, ben vous pouvez le tuer. Vous pouvez aussi l'amener à le faire, puis vous pouvez aussi vous imaginer. Puis l'imagination, laissez-moi vous dire que ça concrétise énormément de choses quand on a peur. Il y a du monde qui sont devenus fous à attendre des apparitions monstrueuses. Hein, il y en a qui pensent qu'il y a plein de monstres entre le lit. Bon, puis il n'y a jamais le pied dépassé ou le main dépassé de le lit quand ils dorment, tu sais. Bon. Mais il y en a, à un moment donné, ça devient tellement dangereux qu'ils peuvent plus dormir. Fait que c'est banal pour nous, parce que c'est pas pathologique. C'est bébé, faites-le donc. Puis observez ce qui se passe dans votre psychologie. Puis exorcisez ça. C'est quoi exorciser? Faites fuir ça, réglez-vous, clignez-vous, ayez plus peur. Mettez votre pied à terre, puis attendez. Puis ayez plus peur. C'est le début de l'exorcisme. Ben, attendez pas de commencer à avoir des vannes, vous foncez dessus. Peut-être un peu tard. C'est niaiseux. Mais ça, c'est le début de la possession maléfique, qui est très faible parce que vous n'êtes pas dans un état d'être possédé. Vous ne choisirez pas l'état, ni le temps. Parce que vous n'êtes pas prêt à choisir ça. Donc, vous ne le savez pas. Si un jour, vous ne serez pas mal pris. Une possession maléfique, quelqu'un est mourir, tu t'évertues à vouloir faire en sorte qu'il ne soit pas mort. On fait une crise. Tu brailles, tu t'en remets pas. Tu peux décider que tu rentres en contact avec. Oui, sinon, on peut rentrer en contact avec eux autres. Non seulement ça ne sert à rien, ça les retarde, puis ça nous retarde. Nous, je parle de la planète au complet. Mais ça peut amener encore d'autres formes de superstitions qui vont vous posséder. Alors, les trucs qu'on perçoit, ben percevez-les, c'est normal, exorcisez-vous. Hein? Exorcisez-vous. À un moment donné, c'est plus grave. C'est plein dans l'air, on en respire à peine bouffé. Alors, maintenant qu'on commence à en sentir par les pores de la peau, ça nous fait peur. Ça a toujours été là. C'est perpétuellement là. Puis plus vous allez vous conscientiser, plus il y en a qui va fuir de chez vous, de votre corps. Plus il va en avoir à l'extérieur. Hein? Alors, ce qui fait que ces choses-là, ben, commencez tout de suite. Fermez la lumière, puis placez vos pieds dehors de votre lit. Présentement, le temps est lourd et on le ressent par le comportement des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Pourrais-tu expliquer ce phénomène causé par cette sorte d'énergie qui dérange tant de monde? C'est drôle que toutes les questions vont l'un après l'autre. C'est-à-dire qu'on change jamais de sujet. Hein? J'ai rien contre, c'est bon? On va parler plus en autre, Daniel. Mm-hmm. La radioactivité... Je réponds à ça, mais... Ça marche. OK, ce qui arrive simplement, c'est que présentement, le temps est plus lourd, c'est-à-dire que le temps est de plus en plus maléfique et satanique. On en a parlé un peu la semaine dernière. La descente d'énergie qui est présentement en opération dans la province de Québec surtout, est focalisée surtout dans la région de Montréal, dans deux régions du plateau laurentien. Alors, ce qui fait que tous les individus susceptibles de pouvoir recevoir cette énergie-là vont donc faire, ce qu'on vient de dire, expurger de chez eux des entités mauvaises. Puis c'est pas parce qu'un individu a réussi à en sortir, hein, que ça va perturber un peu son entourage. Un individu qui se conscientise est capable de perturber des millions d'individus. Parce que tous les individus sont faiblement dominateurs, sont faiblement maîtres chez eux et sont reliés à l'astral. Alors, toutes les fois qu'on a une descente d'énergie, il y a des individus qui comprennent des choses. Donc, automatiquement, les formes d'énergie de type maléfique reliées à eux peuvent plus rester là. Ils peuvent plus, ça ne marche plus. Les mains qui les attiraient ne les attirent plus. Ça décolle. Ça décolle attiré par d'autres. Alors, automatiquement, plein d'énergie supplémentale. Présentement, on est en plein dedans. On est encore dedans pour un bout de temps. Alors donc, il y a des individus qui se conscientisent de plus en plus. Ce qu'ils vont faire, qu'on va ressentir le nuage. Le nuage qui part de Montréal et que le vent amène ailleurs. Bon, un nuage qu'on va ressentir de plus en plus, un temps, une chose, une aberrance, puis c'est normal. Et c'est ce qui va amener les individus, puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puis ça, c'est du mal. Donc, il faut arriver à apprendre comment l'exorciser. Pourquoi? Parce que toutes les fois qu'on va se conscientiser, on va amener des cataclysmes. toutes les fois que les races ont réussi à se conscientiser, ben ils ont suscité des cataclysmes, des guerres mondiales, des guerres nucléaires, des apocalypses intégrales et totales qui ont mené l'enfoncement des continents qui les a vus évoluer. Alors, présentement, on va vivre la même époque, les mêmes phénomènes. On peut les changer de certaines façons. Mais une chose qui est sûre, c'est que le nuage qu'on perçoit, et ces phénomènes-là, ben, c'est des phénomènes normaux qui sont simplement ce que nous, on a rejeté, ou ce que les individus qui se conscientisent. Mais se conscientiser ne veut pas dire que vous comprenez immédiatement mieux. Hein? Ça veut dire simplement qu'il y a une mutation qui est opérée en vous, que vous le sachiez ou non. Et dans la province de Québec, disons que c'est plus focalisé, ce qui fait que c'est normal qu'on ait un peu plus de grégores, disons, négatifs. Alors ça, c'est simplement pour ça. Sentez-le, puis exorcisez-le. Ça veut dire quoi, l'exorciser? Ça veut dire que ça a le droit de vivre, puis que ça n'a pas le droit de vous toucher. Pourquoi qu'il faudrait que ça vous touche? Ça vous regarde même pas. Alors, vous n'avez pas à vous en mêler, vous venons à l'aimer, à l'attirer à vous. Ça ne vous regarde pas, fait que foutez-vous-en. Mais l'homme s'en fout pas parce que l'homme a une psychologie qui a besoin. On parlait des journaux la semaine dernière, mais c'est le même phénomène. Vous lisez de quoi dans un journal, ça opère automatiquement un remous dans votre psychologie. Faut pas que ça opère de remous dans votre psychologie. Faut que ça opère en rien. Quand ça opérera plus rien, puis quand vous pourrez descendre de votre lit la nuit sans avoir peur de vous faire amorcer par une grosse queue, hein? Bon, ben, il y aura plus de problème. Je parle souvent avec des exemples enfantins, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur, justement, qu'il y ait des bébés en dessous du lit. Ou dans le garde-robe, là, dans la porte du garde-robe ouvert. Ah non, même le support, là, faut se l'ôter parce qu'il y a un manteau dessus, puis c'est bon. OK? Mais c'est quoi ces stupidités-là? Quelle est la différence entre un phénomène qui apparaît réellement puis un phénomène qui apparaît quand même dans votre tête? Il n'y en a pas. Bon, alors ça, c'est le début. OK, c'est un exercice enfantin. Enfantin, ben faites-le pas, puis quand vous aurez des monstres qui vont vous déchirer, ben là, vous faites trop tard. C'est niaiseux, c'est comme ça. On veut pas commencer par les choses petites, puis on veut commencer par les choses grosses. Mais ça, il y a seulement du monde qui comprennent rien, qui veulent des choses comme ça. Fait que, commencez juste par ça, c'est niaiseux. Tous les phénomènes extérieurs, votre patron est en maudit, pourquoi qu'il faut qu'il vous communique ça? Mais ça, c'est le mal. Et c'est ça, le mal. Votre patron n'est pas mal, il n'est pas mauvais. Le mal, c'est l'énergie qui est communiqué, l'énergie qui vient vous posséder. Alors moi, je décide que je veux mettre Guy en colère, puis Guy devient en colère. Il est possédé. Oh, mais c'est pas Satan. Ben oui, c'est Satan. T'en as pas une concentration massive, mais il n'y a rien qui dit qu'un jour tu ne mourras pas. Hein? Puis t'es manipulé encore en journée longue par les forces du mal. Alors, exercicez-vous à vous exorciser. OK, on continue dans l'autre. Pourrais-tu nous faire la nomenclature des différents états christiques qui sont au nombre de 5, je crois? Bon, les états christiques, présentement, le nombre d'états christiques, c'est des choses qui ont été avancées par les écoles traditionnelles. Le nombre n'est pas de 5. Alors, disons que je ne veux pas réimprimer non plus d'enseignement qui se fait présentement dans la province ou même sur la planète Terre. 5 pour arriver à l'étape du contrôle. Alors, disons qu'on a décidé qu'il y en avait 5, mais la psychologie humaine, qui se complique siècle après siècle, est rendue à devoir passer par plus que 5 étapes. Parce qu'il faut bien comprendre que les étapes, ça n'existe pas. Mais l'homme compliquant des choses finit par s'identifier dans un processus. S'identifiant dans un processus, ce processus-là devient une étape. Donc, il y a donc une autre étape. Mais les individus, se compliquant la tâche, génération après génération, on finit, ésotériquement parlant, par prendre conscience que l'individu s'identifie dans un plan, puis tout d'un coup, il brise la sphère. Il monte dans un autre plan, il s'identifie là encore. Il brise, il monte, il brise, il monte, bon. Alors, il crée des étapes. 5 étapes, on est passé maintenant à plus que 5 étapes. Les états christiques, moi, j'en parle selon ce qui est important par rapport à ce que moi, je transmets. Alors, l'état christique, c'est premièrement, pas le fusionnement, mais l'intégration complète, globale et totale des 4 plans planétaires. Ça veut dire la terre, l'air, l'eau et le feu. Bon, tu as un 5e plan qui va être l'éther. l'éther dans le plan éthérique, dans le plan supramental. Mais ce plan-là, qui est la forme d'état christique ici, c'est le cinquième niveau. Quand l'individu arrive dans l'état christique qui va être, par exemple, quintessent, OK, c'est l'individu qui va être capable de, disons pas de fusionner, mais d'intégrer en lui, en termes d'énergie, la connaissance instantanée de, du cinquième élément, l'éther, donc de l'énergie supramentale, pour pouvoir bien gérer, bien organiser les plans inférieurs qui vont être le mental, l'astral, le vital, le physique. C'est de l'alchimie pure. Mais l'état christique, ce n'est pas ça. C'est ça, oui, mais c'est plus que ça aussi. Et présentement, l'individu n'arrivera pas à l'état christique comme le Nazaréen, disons, y est parvenu, seulement en ayant la quintessence, c'est-à-dire en ayant, disons, le contexte intégral des cinq plans, on parle évidemment du supramental à l'endescendant, donc des cinq éléments. Parce qu'on a souvent enseigné qu'il y avait quatre éléments, mais il y a un cinquième qui est l'éther. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'état christique, c'est simplement l'état, pas l'état dans lequel le Christ était. Hein? L'état christique, c'est quelque chose qui est une connaissance instantanée, hein, qui est une connaissance obligatoire. Et ça, c'est important. Connaissance obligatoire, c'est-à-dire une connaissance qui n'a pas de diplomatie. Vous le savez ou vous ne le savez pas, puis vous n'avez rien à faire avec ça. Alors, vous l'exprimez, vous ne pouvez même pas l'empêcher. Quand on arrive à la forme d'état christique. L'état christique lui-même, disons que moi, je ne veux pas en parler pour l'instant parce que j'irai trop loin. C'est pas le temps d'aller trop loin au niveau d'état christique. Pourquoi? Parce que les individus, disons, finissent... À un moment donné, on a eu la mode supramentale. On risque d'avoir la mode aussi christique. C'est-à-dire que les individus changent, disons, de doctrine pour essayer d'adopter une nouvelle doctrine. C'est les mêmes phénomènes, c'est les mêmes recherches, c'est les mêmes démarches. L'état christique, c'est quand l'individu arrive à pouvoir se placer le corps au soleil, à pouvoir griller sans jamais brûler. Donc, l'initiation solaire, dans le domaine du physique, est accomplie. C'est quand l'individu arrive à ne pas être fatigué d'être au soleil. Fatigué, je parle au niveau de vie d'énergie. Alors, s'il peut faire cela, et ça, il va pouvoir le faire seulement quand le corps physique ne brûlera plus, alors là, l'individu peut, c'est-à-dire que l'individu vient d'accomplir l'initiation solaire au niveau de la vitalité. Quand l'individu va aussi être capable de recevoir dans sa psychologie des énergies intelligentes qui viennent du plan solaire, c'est-à-dire qui sont d'une vibration tellement plus haute, vibration se rapprochant de la lumière, vibration psychologique, et ce n'est pas la vibration psychologique de notre ciel planétaire. C'est une vibration psychologique extraplanétaire. Similaire à l'énergie supramentale, mais de type astral, disons similaire à celle de la planète, mais une énergie psychologique connaissante, beaucoup plus avancée que l'énergie psychologique astrale de la planète. Quand l'individu va être capable de vivre ça, sans qu'il y ait d'orgueil qui soit suscité en lui, certains prêtres, à un moment donné, certains disciples, hein, certains contactés extraterrestres, à un moment donné, se croient à être le nombril du monde. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'ils ont eu un début d'initiation solaire, même s'ils n'étaient pas prêts, parce que on doit y avoir des connaissances qui peuvent arriver à un moment donné, mais ils ne sont pas prêts. Quand vous arrivez à pouvoir regarder le soleil en face, sans mourir, donc sans expression d'orgueil, vous venez de passer l'initiation solaire astrale. Il y a une initiation solaire au niveau mental, il y a une initiation solaire de type supramental qui est la descente de l'Esprit Saint global, et là, tu as tel état christique, disons, prôné par l'alchimie depuis longtemps. OK? Bon. Mais l'état christique, celle que l'être humain va être capable d'avoir, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a enseigné à l'être humain qu'il y avait une école élémentaire. Puis après l'école élémentaire, t'étais parfait. Mais il y a l'école secondaire, il y a l'université, mais ça, on leur dit pas. Parce que s'ils voient tout ça, ils vont même pas se lancer dedans en recherche. On est rendu qu'on n'a pas tout fini l'école élémentaire. Alors maintenant, ben, ne sautons pas sur nos grands chevaux, il reste l'école secondaire à faire. Alors, l'état christique n'est pas complété dans un cinquième étape. Hein? Il y a plus que cinq étapes. Et puis, quand on arrive même à avoir la conscience christique, c'est différent de vivre l'état christique, ben, le travail commence. On vient de terminer le travail global dans notre phénomène galactique, mais il reste encore du travail parce qu'on est juste un pouls à travers le reste de l'univers. Bon. Alors, disons que l'état christique, c'est ça. Que conseillez-vous à la masse pour l'instant? Qu'est-ce qu'une conscience consciente? Pourquoi ai-je des problèmes avec mon moi, Jésus de Nazareth, entre parenthèses? Bon. Premièrement, pas conseiller à la population, absolument rien. Il n'y a rien à conseiller à la population. Tout va mal, tout va bien, puis ça va continuer comme ça. Bon. Donc ça, il n'y a rien à faire avec ça. Vous savez ce que vous avez à faire? Faites-le. Ça, c'est un vache de conseil, hein? Vous savez ce que vous avez à faire? Ben, faites-le. Puis arrêtez de le savoir. Faites-le. OK? Vous allez être beaucoup moins stagnant. Bon. Le moi. Le moi, c'est quoi? J'ai des problèmes avec mon moi, donc moi, j'ai des problèmes avec moi-même. Alors, donc, il y a deux individus qui se parlent, puis il y en a un qui a un problème avec l'autre. C'est ça, le moi. Exorcisez-vous. Que votre moi soit nazaréen ou non, hein, je ne vais pas trop revenir là-dessus parce que dans, disons, la conférence sur la réincarnation, on explique suffisamment les phénomènes de réincarnation, donc toutes les possibilités que les individus peuvent avoir de différents phénomènes vibratoires qui viennent les habiter lors des processus de réincarnation. Le fait de finir par se sentir être le nazaréen, ben Jésus de Nazareth, ou Jésus le nazaréen pour être plus précis, ne s'est pas réincarné, lui qui est pas mort. Son corps matériel s'est désintégré dans le tombeau, c'est ça qu'on va trouver. Et puis, il ne peut pas habiter personne sur la planète Terre. Par contre, ce qui peut habiter quelqu'un, c'est la mémoire du Nazaréen. Et toutes les personnes qui vont prier parlent à cette mémoire-là. Toutes les personnes qui finissent par avoir une espèce d'identification au Nazaréen sont reliées à cette mémoire-là. Et cette mémoire-là, au cours des temps, se désagrège. Elle devient transformée par les mémoires de tous ceux qui croient et de tous ceux qui ont parlé, de tous ceux qui pensent aux Nazaréens. Donc, la mémoire du Nazaréen est de moins en moins probante. Hein? Elle est de moins en moins vérifiable et de moins en moins originale. Ce n'est plus la mémoire du Nazaréen de l'époque, premièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, on n'a rien à faire. Il faut simplement continuer à se perturber, continuer à vouloir avoir des connaissances ou continuer simplement à vivre comme un enfant. J'ai déjà dit que l'homme avait des problèmes, ben l'homme devait les souffrir, ces problèmes-là, puis que l'homme devait se poser des questions pourquoi il y a des problèmes, mais que l'homme ne devait pas s'imposer de répondre à ces questions. Alors, la masse, leur conseiller, c'est ce que je vous ai dit, qu'est-ce que la conscience consciente? Mais la conscience consciente, une conscience qui se rapproche de la conscience absolue. La conscience chez l'homme, c'est premièrement l'expression de la volonté de type supramental, premièrement. Donc, ce n'est pas l'expression des volontés inférieures, volonté planétaire. Alors, quand on arrive à avoir une conscience consciente, c'est simplement parce que c'est l'énergie supramentale en nous qui s'exprime et qui, elle, vient dire à notre énergie mentale, à notre énergie astrale, à notre conscience astrale et mentale, que ce qui est présentement exprimé par l'intermédiaire du véhicule, donc de l'homme en question, est réel, authentique. Alors, ce qui fait que, n'étant pas teinté, cette conscience, elle est là, elle est réelle. Et la seule énergie consciente qui peut arriver à être consciente qu'elle est consciente, c'est l'énergie supramentale chez l'homme. L'énergie supramentale ne peut pas être consciente. Elle ne peut être consciente qu'une fois exprimée par l'être humain. Alors, c'est ce qui porte, évidemment, les énergies supérieures, mais involutionnaires, donc descendantes, à venir se connecter avec les énergies inférieures, mais évolutionnaires humaines. Elles ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Alors, ce qui fait que Dieu a un problème humain et l'homme a un problème divin. L'énergie même du supramental qui s'exprime chez l'homme va donner à l'homme une conscience consciente. L'homme va savoir quand il sait et quand il ne le sait pas. Alors, la conscience consciente, ce n'est pas la conscience absolue. La conscience absolue se rapproche de la conscience intemporelle. Conscience globale immédiate, sans passé et sans futur. Donc, évidemment, sans présent. Hein? Parce que le présent, c'est un des deux. Bon. Alors, la conscience consciente, c'est quelque chose que l'homme, présentement, ne peut pas aborder. C'est quelque chose qui va être touché par les individus pendant certains laps de temps, lors d'un contact réel et total avec l'énergie supramentale et non pas avec son relégat astral. Deux questions. La première, l'énergie est-elle plus forte en novembre qu'en septembre? Tu veux répondre à ça? Bon, l'énergie tellurique vitale est plus forte en novembre qu'en septembre. Par contre, présentement, l'énergie supramentale descend en novembre, descend en décembre, en janvier, en février et mars. Mais c'est simplement parce que la Terre traverse présentement un faisceau d'énergie supplémentaire qui est émis par le centre de... pas de notre univers, disons, mais des univers. Alors, ce qui fait que ça n'a pas rapport au moi lui-même. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'on a eu, disons, une recrudescence d'énergie vitale solaire au courant de l'été, ce qui fait que l'homme va vivre d'une façon perturbante ou bizarre ou encore dynamisante, dépendant des individus, le retour des énergies telluriques vitales planétaires. Ce qui fait qu'au printemps, où ce qu'on va avoir un retour d'énergie solaire, vital. Ben alors, encore là, on se ressent encore, soit encore perturbé ou soit dynamisé. Alors, ça, c'est simplement un effet d'énergie vitale. En novembre, on n'a pas plus d'énergie intelligente qu'on en a le reste du temps. On a plus d'énergie de type vital, donc tellurique. Est-ce que la neige joue là-dedans? Je veux dire, le fait que la Terre soit gelée, tu parlais la semaine dernière des énergies basébutiennes ou telluriques. Est-ce que la neige joue un rôle de... La neige a comme seul rôle un rôle curatif chez l'homme. La neige, c'est un médicament extraordinaire pour l'homme. Et l'homme qui serait capable de prendre la neige, de la faire fondre et de la boire, ce serait un individu qui ramasserait des phénomènes vitaux, hein, extraordinaires. C'est encore plus énergisant pour l'homme de boire de la neige, pas de la manger, une fois fondue, de boire de la neige que de prendre du soleil ou que de manger tout ce qui pousse dans le sol. Pour deux raisons. Premièrement, la neige, c'est de l'eau qui traverse donc toute l'énergie de l'air, c'est de la pluie, donc elle ramasse l'énergie vitale solaire. En arrivant au sol, elle est en contact direct avec l'énergie tellurique. Donc l'eau, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on s'en est servi dans tous les cultes, hein? Mais la neige, elle a un avantage immense sur l'eau. La neige, c'est qu'elle est passée par un état de cristallisation particulière de gouttelettes d'eau, donc ce n'est pas de la glace, et chaque cristaux a une forme différente, et chaque forme émet une onde de forme. Et cette onde de forme-là va donc amener une forme de vibration à l'intérieur même de chaque cristaux ou de l'air qu'on respire, parce que l'hiver, on n'a pas la même air. Hein? Il y a beaucoup de phénomènes qui sont changés l'hiver, mais là où il y a de la neige, pas de la neige recouverte de squelette ou de calcium, hein? Des cristaux qui vivent, là, je te parle. Bon, alors en forêt, un peu partout où on a de la neige, on a une espèce... Regarde l'énergie solaire qui descend dans la neige l'hiver. Une journée ensoleillée où tu fais de la raquette dans la neige. C'est absolument différent parce que l'énergie solaire te pénètre en même temps que l'énergie tellurique sous une forme nouvelle mariée. Hein? L'air au complet que tu respires a un prana qui va être solaire tellurique, donc absolument différent de n'importe quand. Et si tu te fonds de la neige, l'effet des cristaux, donc de l'énergie émise par les ondes de forme de chaque cristaux qui sont différents, mais tous bénéfiques parce qu'ils ont une forme très particulière, ils ne sont pas tridimensionnés, ils le sont par leur épaisseur, mais pas en termes de cristaux, hein, c'est des formes bidimensionnelles, qui eux vont amener chez l'homme, des formes circulaires bidimensionnelles, géométriques, qui vont amener chez l'homme au niveau de son énergie vitale, des phénomènes très proches de l'énergie vitale, de la santé chez l'être humain. Alors, ce qui fait que de boire de la neige fondue, une fois qu'elle est fondue, tu as de l'eau. Si l'eau est trop froide, tu la laisses encore se réchauffer. Mais disons qu'une heure après que la neige soit fondue, l'eau vient de perdre ses propriétés, disons, magnétiques, que vont lui donner la cristallisation des gouttelettes d'eau. Alors, ce qui fait que la neige... L'hiver, on va avoir un phénomène absolument différent en termes d'énergie, et c'est pourquoi aussi que ce sont les pays nordiques, les pays enneigeux, qui vont le plus arriver à avoir des contacts, y compris l'URSS, y compris nous autres. Mais regarde l'Europe, ils ont de moins en moins de neige. OK, une question. Puis nous autres, on va en avoir à préparer vos tracteurs. Avant de boire de la neige fondue, peut-on la faire bouillir pour la stériliser ou cela la transformerait? Bon, la neige est stérilisée, donc on n'a pas besoin de la faire bouillir. La faire bouillir, ça veut dire d'augmenter son taux vibratoire à un point tel que les microbes vont être tués, donc on la purge en même temps des énergies vibratoires normales. La seule chose qu'il y a dans la neige, le seul problème qu'il y a dans la neige, c'est qu'elle est acidifiée par l'acide nitrique et l'acide sulfurique. Hein, parce que c'est des pluies acides, ça commence en pluie, ça tombe en neige. Donc, c'est préférable, évidemment... Si on peut avoir un minéralisateur d'eau, ce qui fait que ces acides-là vont réagir avec les minéraux pour créer un sel et de l'eau, ça règle le problème. Sinon, ben c'est pas grave, c'est pas toxique l'acide sulfurique ni l'acide nitrique. Je veux dire, c'est sûr que si tu prends ça à coup d'éprouvette, ça, tu vivras pas vieux. Mais je veux dire, dans la neige ou dans l'eau. Ça a un goût dégueulasse à cause de ces acides-là. Alors, ce qu'on peut faire, premièrement, il faut faire deux choses. Il faut la brasser pour l'oxygéner. Ça donne un meilleur goût. Et puis, en plus, ben, on la boit comme ça, puis c'est tout. Ou, une autre chose, tu peux laisser ta bouteille ou ton verre d'eau fondante, disons, une demi-heure de temps à l'air libre. C'est presque suffisant pour que les acides s'évaporent. Mais, la faire bouillir, non, c'est inutile. Les microbes tombent pas dans la neige. C'est sûr que si t'as des animaux qui sont pas là avant que t'en ramasses, même la faire bouillir, mais il n'y a pas de problème pour ça. Et au niveau de la volonté, exprimer la volonté, de la volonté, c'est-à-dire de la créativité. Cela peut-il signifier que l'énergie en circulant mieux dans le corps puisse causer une circulation de sang plus rapide, une sensation de douleur au cœur par suite d'une plus grande pression? Merci. Bon. S'il y a une circulation qui est plus rapide, c'est qu'il y a un organisme quelconque dans le corps qui requiert plus d'oxygène. S'il y a une douleur au cœur qui va être suscitée parce qu'un organisme dans le corps demande plus d'oxygène, c'est qu'il y a, dans ce cas-là, possiblement un rétrécissement pathologique des artères cardiaques. On appelle ça de l'angine de poitrine. Bon. Alors, ça peut être vécu par les émotions, ça peut être vécu par un excès aussi de travail. La volonté, ce n'est pas d'exprimer l'énergie créatrice. Ça, c'est une forme de volonté. La volonté, c'est exprimer une énergie. Ça, c'est une forme d'énergie. Par contre, exprimer une énergie, donc exprimer la volonté, fait effectivement, disons, circuler une énergie beaucoup plus rapidement à l'intérieur du corps. Ça, c'est évident. Alors, c'est exprimant plus rapidement et mieux, elle va donc créer un champ électromagnétique autour de vous qui devrait normalement, si vous avez de la volonté, parlons de la création, attirer à vous ce qui va vous permettre d'exprimer votre créativité. Si vous avez suffisamment de volonté, donc si vous exprimez suffisamment votre énergie créatrice, vous allez attirer autour de vous ce que vous avez besoin. Et ça va pour n'importe quel genre d'énergie. Si on l'exprime, on a la volonté. Il y a deux moyens d'exprimer l'énergie, une bonne et une mauvaise. Mais si on l'exprime de la bonne façon, automatiquement, on amène à nous ce qu'on a besoin pour continuer à l'exprimer. Et plus on l'exprime, on la gaspille pas, plus on la fait circuler, plus on en attire. Alors, donc, la volonté, ben, on doit en avoir, c'est-à-dire qu'on doit l'exprimer. Le travail qu'un individu peut faire, c'est les corps subtils. Est-ce que en haussant son taux vibratoire... Qu'est-ce que tu entends par les corps subtils? On m'en parle souvent des mots du corps subtil. C'est quoi un corps subtil? On parle des corps que tu as pu parler tantôt au niveau du corps mental supérieur, supramental, corps bouddhique. Bon, on va régler le problème. Qu'est-ce que l'individu peut faire pour les corps subtils? Absolument rien. Puis au niveau de la radioactivité, est-ce que... Là, mettons qu'on prend juste le corps du supramental qui vibre plus vite. Est-ce qu'il peut te donner... Une assurance d'absorber plus de radioactivité, qui est aussi une hausse de vibration, finalement. Bon. Ce qui va arriver, simplement, c'est que l'énergie supramentale est beaucoup plus supérieure en vibration à l'énergie radioactive. OK? Tout ce qui est supérieur à toi va avoir tendance à te transformer selon ta propre supériorité, et toi, ça va avoir tendance à le ralentir. Si tu vibres suffisamment haut, donc, parce que tu es relié à l'énergie supramentale, il n'y a aucune forme de radiation qui va être capable de te toucher. Ni physiquement, ni quoi que ce soit. Alors, il y a certains individus qui y ont échappé, puis il y a d'autres individus qui vont y échapper avec, même si on a une guerre nucléaire. Alors, ce qui fait que la radioactivité, elle peut toucher ton corps vital. C'est à peu près juste là qu'elle va le toucher. La radioactivité ne transforme pas ton corps astral, il vibre trop vite pour ça. La radioactivité a probablement un phénomène, disons, d'effet de choc, l'explosion même de la bombe. Alors, c'est évident que si tu reçois un morceau de la bombe sur le visage, physiquement parlant, il t'en manque un peu. Bon. Par après, tu vas avoir la chaleur, t'as eu l'effet de souffle, t'as la chaleur qui attaque ta peau, et par après, tu vas avoir la radiation qui, elle, attaque surtout, même seulement, ton énergie vitale. Ça veut dire que tout ce qui est mémoriel dans la génétique, ce qui est réglé par l'énergie vitale, chez l'homme, va être transformé. Ça veut dire que tes cellules, leur génétique, donc les gènes, tout ce que tu vas avoir au niveau des chromosomes, va être transformé. Parce que ça, c'est l'énergie vitale qui maintient ça. Et l'énergie vitale étant transformée, ce qui va sortir d'une division de ces cellules-là va être différent de la cellule originale. Alors, ça peut créer des cancers, ça peut métamorphoser ta peau, ton corps, puis évidemment, tu vas enfanter des individus qui vont être des individus métamorphosés, donc possiblement des monstres, rarement des génies, c'est pas du tout. Alors, ce qui arrive, c'est que l'énergie nucléaire ne va affecter que ton énergie vitale. Ça va se répercuter immédiatement dans ton corps physique. Parce que l'énergie vitale, c'est ce qui tient ton corps physique selon la forme qu'il a là. Alors, le fait d'être suffisamment énergisé pour avoir un ossement d'énergie vitale un tout petit peu plus haut, l'énergie nucléaire ne peut pas le toucher. Donc, le physique n'est plus transporté, ni la génétique non plus. Par contre, c'est évident que le souffle de la chaleur peut brûler ton corps. Mais encore là, si tu as un ossement vibratoire suffisamment haut, ça ne brûlera pas non plus. Pourquoi? Parce que la chaleur, elle s'attaque à une certaine forme de vibration. Alors, il y a des choses qui brûlent, il y a des choses qui ne brûlent pas. Bon. Et puis le souffle, ben là, le souffle, évidemment, c'est à 15 pieds de la bombe nucléaire. Et j'espère qu'il n'y aura pas de maison entre toi et la bombe, parce que tu vas aller t'aplatir. On a-t-il le temps pour une autre question? Non, hein? Ben vite, vas-y. Okay. On va parler plus vite encore. OK. Tu parlais de ton père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut dire que la densité du père céleste, là, qui est un soleil, est-ce que chaque galaxie a un père? Oui. Merci, Daniel. Bonsoir.